On va parler de soccer avec notre ami Benoît Lavoie d'Espace Soccer.com, la référence du soccer au Saint-Jean. Salut Benoît. Salut Danny. Benoît qui était présent samedi au match d'ouverture contre les Wildcats de Vancouver, victoire de l'Impact à la toute fin du match. Benoît, ce qui retient l'attention, c'est une belle victoire, mais c'est 12 000 spectateurs pour un match d'ouverture, c'est une capacité de 20 000. Moi, écoute, je suis pas surpris par tout. Pas surpris du tout, du tout, du tout. M'attendais à ça. Fait que, regarde, c'est ça. C'est l'impact. C'est la réponse des gens. C'est pas compliqué. Je pense qu'on est forcé d'admettre que c'est à peu près ça, Danny. Écoute, l'administration ne veut pas reculer, on tient tête, on engage un nouveau président qui est un ancien joueur, Gabriel Gervais. Il annonce peut-être le retour du logo, la fleur de lys, l'impact, on ne veut pas revenir avec ça, mais on voit bien que c'est un gros problème. L'absence des ultras. Tu sais, moi, Danny, j'avais mon accréditation média samedi, même des petits détails, Danny, je te dirais, écoute. Dans les premières années, ça doit faire 7-8 ans que j'ai cette accréditation-là, grâce aux chroniques que je fais avec toi, puis avec dans le vestiaire avec Michel Tifo puis Dominique Bolduc, à tous les jeudis. Puis nous autres, ça fait des années qu'on en fait aussi, d'années à Dan Radio Sport. Et puis, il y a toujours, quand je demande l'accréditation, quand je monte à Montréal, je ne vais pas très souvent dans l'été, je vais dans des matchs importants, là, ça donnait bien parce qu'on avait un congé, le congé de Pâques, ça fait que ça donnait bien. J'ai même amené ma blonde au match. Et puis, écoute, on avait. Il y a toujours un petit détail, là, juste dans la zone d'accréditation. Tu voyais, exemple, moi, Espace Soccer, je rentre avec Espace Soccer, le logo, on voit le logo avec le logo du club à côté. On a une place d'assigné. J'arrive là samedi, aucune place d'assigné. Il n'y a plus aucun logo décrit. Il y a des impressions des compagnies, des médias, parce qu'il y a des médias web aussi à Montréal qui sont là, les postes de radio. Eux ont des belles places à l'extérieur. Nous, ils nous envoient à l'intérieur un petit peu en dedans. Moi, je cherche Espace Soccer, je ne le trouve pas. C'est écrit en anglais, Freeland Media. Je demande au responsable, je crois que c'est Arcadio Marcoudi. Il dit, ah, c'est là que tu t'en vas. Fait que j'ai enlevé mon papier, puis j'ai pris ma carte d'affaires, puis je l'ai collé là. Tiens, Espace Soccer. C'est des petits détails que tu remarques un peu, puis tu dis, bon, ça veut dire que c'est pas sur la coche. C'est pas sur la coche. C'est ça que ça me donne comme information, moi, Danny. C'est pas sur la coche. Alors, puis là, tu regardes dans le match 12 000 personnes. Qu'est-ce qu'on va faire? Pas d'ultra. Je voyais la zone en arrière. Ils ont mis des bancs où les ultras étaient debout. Il faisait pas chaud non plus. Le soleil était absent lors du match. Mais Ah, mais il y en avait des ultras. non, non, il n'y a plus d'ultra. C'est fini, les ultras. Ouais, C'est mais ça t'as qui dit, manque. les endroits où ce que les ultras étaient, ok, c'est Oui, beau. c'est ça. Ils ont Ok, mis des donc, bancs, oui. ils ont mis des sièges, ça devient très tranquille. Oui, il peut y avoir des ultras dans le stade ici et là. Je crois qu'il y Ouais, avait c'est une dans ce place où il y avait sens-là, des. ouais, que je Il y voulais. avait des gars qui chantaient à tout moment dans le match. Je me demande si c'était pas des ultras qui étaient. Tu sais, veux pas. Les ultras, t'as des fans finis du club. Ben ouais. Ils doivent s'ennuyer aussi, ces gens-là. Mais on se tient debout. Peut-être qu'ils sont éparpillés un peu partout dans le stade, mais ils ne sont plus regroupés ensemble. Et c'est ça que ça fait. Et t'as l'autre côté, le 1642, qui est le groupe là, du club, là, avec la cloche. Il y a du monde un peu. Beaucoup de sièges libres, Danny, quand on dit 12 000 personnes. Alors qu'on était en moyenne il y a quelques années, avant le rebrand, on parlait de 16-17 000 personnes. On voulait atteindre le 19-20 000. Au lieu de ça, on est allé vers le bas. Alors, Est-ce il qu'on va va l'admettre falloir. finalement que c'est une erreur? Ben non, moi, non, mais je pense que c'est de l'ego, ça. C'est de Ben l'ego oui, c'est ça. du propriétaire. C'est une question d'ego de propriétaire. Puis les gens ne sont pas dupes. Et Ben non. j'ai parlé à Jérémy Filosa, justement. On s'est croisés, puis on s'est jasé un petit peu. Puis il a sorti de quoi hier, là, une entrevue. Tu iras écouter ça, c'est très intéressant. C'est décevant, c'est décevant. J'ai envoyé un message en fait, mais c'est décevant. Puis, tu sais, je paye 5 heures de route. Tu t'attends. Puis lorsque le CF a marqué le premier but, ça a été un applaudissement sans plus. À part à la fin de match, quand Il y on a avait des annoncé que clous, mais la cloche, elle existe encore? la cloche est encore là. La cloche est encore là. Donc, Ouais. du gros travail à faire, je pense. Juste c'est ce que je te compte au niveau média, je trouve ça très décevant, là, cette petite histoire-là. C'est con, là, ce que je vais te dire. C'est pas grand-chose, mais c'est des détails qui font en sorte que on voit que là, il y a des lacunes à plusieurs niveaux là, au stade Saputo, là. Ben, écoute, Philosophe disait qu'il y avait 30 personnes. Et des bureaux administratifs, il manquait de monde. Pénurie de main-d'œuvre l'oblige. Donc, effectivement, donc, ça touche également l'impact. Mais, C'est le je m'en foutisse envers tout le monde. Et quelque part, ben, c'est ça, tu payes. Fait que, tu sais, quelque part, si l'impact disparaît, ben, ce sera pas juste la faute du soccer, ce sera pas juste la faute des amateurs, mais il va falloir y ait un gros mea culpa du côté de l'organisation du CF Montréal et de l'impact et l'admettre que le rebranding, c'est une grave erreur. Je pense déjà là, ce serait déjà un pas en avant. Mais ça, regarde, on n'est pas rendu là, semble-t-il, là. Non, on n'est pas rendu là. J'ai l'impression qu'on va surfer là-dessus toute la saison. Mais, Danny, si on revient au match un Ouais. peu, écoute, veux pas, il y a l'aspect terrain. L'aspect terrain, bon, le CF a bien débuté le match. Milivojević, très bon match. Un but, une passe décisive. Il est déjà rendu à 4 ou 5 buts cette saison. Il est On bon, hein, sait. semble-t-il. Ça veut dire que. Milivojević, j'ai l'impression que c'est un gars qu'on va perdre dans la fin de saison, peut-être Ouais. l'année prochaine. Et ce gars-là devrait, d'après moi, se retrouver en Europe. J'ai hâte de voir ça. Et là, ben, ce qu'il essaie de faire, lui, c'est de convaincre l'entraîneur de la sélection nationale américaine de se faire sélectionner pour la Coupe du Monde avec les Américains. Ça ne me surprendrait pas qu'il soit Ben non. sélectionné. Il a joué quelques matchs Ouais. déjà, mais tu sais, Danny, c'est difficile hein, quand arrive le temps des sélections, là, la liste des 23. Ça se peut que cette liste-là soit remontée pour cette année au Qatar. J'ai hâte de voir. Mais veut pas. Ça fait des heureux puis des malheureux quand vient le temps d'annoncer la liste de ces joueurs-là. Puis par la suite, ben, Montréal joue un bon match. Et là, soudainement, deuxième mi-temps, j'ai trouvé que. Ils ont repris les devants 2-0 et à partir de 2-0, match très plate, je te dirais. Là, le CF ne touchait plus au ballon. C'était Vancouver qui avait possession du ballon. Là, on a dit, s'il faut que Vancouver marque un but, ça va être dangereux. Et hop, Vancouver a marqué. Par la suite, un but La refusé sur prise un vidéo, je hors-jeu. pense, c'est ça? Un but refusé sur le hors-jeu et dans Ouais. les arrêts de jeu, Dan. Ils ont été chanceux là, de se sauver avec ça. Là. Et Brezza aussi. Brezza, le gardien du CF, a eu de la difficulté. Je ne comprends pas non plus. Quand on parlait tantôt d'être têtu au niveau de l'administration, je me pose de sérieuses questions sur le fait qu'on n'utilise pas Pantémis, on ne fasse pas un retour avec Pantémis. Brezza fait des erreurs. Quand il a la balle au pied, il dégage, il la donne tout le temps à l'équipe adverse. Le ballon se rend rarement, ben pas rarement, mais très, très souvent, le ballon va à l'équipe adverse. Donc, on donne le ballon à l'équipe adverse. Donc, on ne garde pas possession de la balle. Et la sortie dans zone défensive, on la fait de moins en moins. J'ai l'impression que c'est trop difficile. Il fait des erreurs balle au pied. Donc, pourquoi pas un retour de Pantémis bientôt dans les buts? Je ne sais pas ce qui est arrivé avec Pantémis, Danny. Lorsqu'il a connu un mauvais match, il a fait des mauvaises déclarations dans les médias sur ses défenseurs. Et aujourd'hui, on ne l'a jamais revu avec le CF Montréal dans les buts depuis ce temps-là. C'est ça, c'est la saison dernière, alors qu'il était numéro un. Mais c'est des jeunes, hein? Pantémis, Brezza. C'est pour ça que ce qui est dommage dans toute l'histoire, une autre affaire encore, c'est que. Le gardien qui devrait être le gardien numéro un à Montréal est rendu à Los Angeles et s'appelle Maxime Ben Crépeau. exactement. Très décevant. Oui. Exactement. Ça fait le tour pour l'Impact. Là, maintenant, on va parler du côté de la Ligue des Champions maintenant. Écoute, c'était les quarts de finale la semaine passée. C'était le match retour. De gros rendez-vous, Danny. Ouais. De gros rendez-vous. Puis dernière parenthèse, le CF va quand même bien. Trois Ouais, victoires, trois une victoires de match suite, nul. ouais. Ouais. 4 matchs, on est rendu dans 6e, 7e position. Donc, je pense que là, ça va bien au niveau terrain. Maintenant, on devra s'attarder à remplir le stade, mais ça va être un autre job. Ben, Pour ce qui est ça de va la être un Ligue des méchant job. ouais, pour ce qui est de la Ligue des Champions, Danny, oui, de gros rendez-vous. Moi, dans les 4 quarts de finale, ce qui m'a attiré le plus, là, ça a été le Chelsea, le match retour Chelsea-Real Madrid. Rappelons-nous au match aller en Angleterre, à Chelsea. Le Real avait gagné 3-1 au match aller la semaine dernière, 3 buts de Benzema. Et là, on arrive au match retour à Madrid. Chelsea prend les devants 1-0, 2-0, 3-0, on égalise. Et là, soudainement, en fin de match, le joueur croate, un des meilleurs joueurs encore, même à 35-36 ans, je crois, le 35, je crois, Luka Modric a fait un geste technique, Danny, faire un centre. Il a fait un centre avec un extérieur de pied. Tu sais, moi, je suis un joueur de soccer, là, un extérieur de pied, c'est quand même un geste technique, un long lob, quand même pas évident à faire. Il l'a envoyé sur le pied de son attaquant, Rodrigo, qui venait faire un changement. Alors là, on a égalisé, on a fait 3-1, et en supplémentaire, ben Benzema, encore le joueur le joueur de l'heure là, sur la planète, là, le marqueur de l'heure. Il a marqué 3 buts contre le Paris Saint-Germain. Il a marqué 3 buts la semaine dernière. Il marque le but gagnant contre Chelsea. Et hier encore en championnat, en Liga espagnole, il a marqué pour faire donner la victoire au Real Madrid. Donc, c'est le joueur de l'heure présentement, Karim Benzema. Donc, victoire du Real Madrid en demi-finale. De l'autre côté, on a Liverpool. Le Real Madrid va affronter Manchester City de Pep Guardiola, qui eux autres aussi visent un premier titre en Ligue des Champions. Alors, eux, ça a été. Eux, ils ont une victoire, ils ont remporté. J'ai un blanc un peu contre quelle équipe qu'ils ont affronté. Donc, Manchester City, Real Madrid en demi-finale, ça va être très intéressant. De l'autre côté, on a le Bayern qui a été surpris par le club espagnol Villarreal. Grosse, grosse surprise, alors que le Bayern a dominé. Je n'ai pas compris pourquoi on n'avait pas fait embarquer Alphonso Davies en début de match. On l'a embarqué juste à la 87e minute. Je ne sais pas. C'est sûr qu'il est en train de revenir au jeu tranquillement. Donc, défaite du Bayern, c'est une grosse défaite ça, à ce niveau-là. Et de l'autre côté, l'autre demi-finale, ce sera Liverpool. Liverpool qui a remporté son match aussi. Donc, Liverpool, Villarreal d'un côté et Manchester City contre Real Madrid. Les deux demi-finales auront lieu dans 2 semaines. Ça va être très intéressant à écouter, ça, là. OK. Ligue 1, je sais que le Paris Saint-Germain, hier, jouait un match important hier pour le championnat de la Ligue 1. Est-ce qu'ils ont gagné? Une victoire de 2 à 1 contre l'Olympique de Marseille. Ouais. Normalement, c'est un classico, OK? Ouais. Mettons, dit un classico, c'est un Canadien nordique fois 10 en France, Ouais. mettons. Ouais. Mais comment je te dirais, Paris Saint-Germain, c'était pas un match très, très, très Excellent. étanche. J'ai pas trouvé de terrain d'intensité. Je trouve que Marseille aurait pu en donner plus. Le Paris Saint-Germain, je m'attendais à une meilleure sortie aussi. Messi, Neymar, Mbappé, encore à la fin de match. Quand arrive la fin de match, Dani, j'ai écouté le match justement. L'entraîneur Pochettino du PSG doit décider qui je débarque. Okay? OK. Qui je débarque à l'attaque? Ça, c'est une difficulté. Je débarque-tu Neymar? Je débarque-tu Mbappé? Il débarque rarement Messi. Puis tu vois que quand il y en a de ces deux-là qui débarquent, tu vois qu'ils n'ont pas l'air très contents. Tu sais, Neymar ou Mbappé. Mbappé sur une grosse saison. Et jamais on va retirer Messi. J'ai un petit peu de difficulté avec ça. Pourtant, moi, Messi, c'est mon joueur. Je l'ai encore. Hier, il me semble que j'aurais peut-être choisi Messi pour être remplaçant à la 82e, 83e minute. Mais non, on y va avec Mbappé. Et je t'assure que quand il arrive pour sortir, il semble pas très content de cette décision d'entraîneur-là. Mais le championnat est presque acquis pour le Paris Saint-Germain. Ils ont 12 points d'avance, je crois, donc ils devraient finir premier. Tout comme en Allemagne, le Bayern qui va remporter, je pense, le 9e ou 10e titre consécutif. En Angleterre, en première ligue, ils font un petit tour de table des grands championnats en Ouais. Europe, Dani. C'est serré, là. Il reste 5 ou 6 matchs, mais c'est entre Liverpool et Manchester City. C'est 1 point d'avance pour Manchester City. Ils ont annulé un contre l'autre 2-2 la semaine dernière. Ils se sont pris à FA Cup aussi en fin de semaine dernière. Une victoire de Liverpool 3-2. Donc, ça va être intéressant de voir là, en Angleterre, c'est très serré. Du côté de l'Italie, ben c'est l'Inter de Milan avec l'AC Milan. C'est très serré au niveau du championnat, première, deuxième. Il y a aussi un troisième club là, qui me manque, là, que j'ai pas le classement devant moi. Et pour le 5e championnat, ben là, on arrive en Liga espagnole. C'est le Real Madrid là, qui surfe la première position. Le Barcelone, avec son nouvel entraîneur Xavi, l'ancien joueur emblématique qui jouait avec Messi et Iniesta, est de retour. Et il a réussi à amener Barcelone en 2e position. Donc, c'est intéressant à ce niveau-là. Mais c'est le Madrid qui devrait remporter un titre de Davis cup est cette année en revenu Espagne. hein, pour le Bayern Munich, hein? Oui, Davis est revenu, je n'ai parlé un petit peu. Davis est revenu. Et Ouais. là, ben, ça, je te dis qu'en Ligue des Champions, j'ai été surpris. Au match aller, il a été dans le 11 partant, mais au match retour, il a embarqué juste à la 87e minute. Et OK. le but de Villarreal, qui les a amenés en demi-finale, s'est fait de son côté à la 88e. Là, je ne sais pas s'il a mal défendu, mais il est arrivé un petit peu en retard sur le jeu. Et c'est Villarreal qui passe, mais le Bayern a tellement manqué de buts, ils ont dominé le match, mais se sont fait avoir sur un contre-attaque. Et bon, bonsoir, le Bayern, ça sera pas la Ligue des Champions pour eux cette année. Ouais, ok. Bon, ben, ça fait le tour pas mal du soccer. Ben écoute, Danny, dernier point, la finale de la Ligue des Champions CONCACAF. On a un club, ça va avoir lieu, là, le match aller-retour. Ça commence la semaine prochaine ou dans 2 semaines, je crois, là, au niveau. On a un club de la MLS en finale contre un club du Mexique. Au niveau mexicain, c'est le Pumas qui a battu 2-1, je crois, le Cruz Azul. Le Cruz Azul avait éliminé le CF Montréal. Donc, puis assez serré à part de ça. Donc, tu vois que le CF sur le terrain offre quand même une belle équipe. Donc, c'est le Pumas, un club mexicain. Et de l'autre côté, ben, c'est Seattle qui a battu le FC New York. Donc, ça va être une finale à Seattle-Pumas. On sait que si, il n'y a jamais eu un club encore de la MLS qui a remporté cette fameuse Ligue des champions CONCACAF. Donc, on va espérer peut-être un titre d'un club de la MLS cette saison-là. OK. Benoît Laval, espacesoccer.com, la référence soccer 5 Saint-Jean, merci beaucoup. Yes, salut Nani, à plus. Notre ami Benoît Lavoie qui nous parlait de soccer.